Yeah. Juste un petit 16 de ton poteau, J-A-V-I-E-R, écrit à la va-vite la veille de ton anniversaire. Où commencer, je ne sais pas, j'ai tant de choses à te dire. Bah ouais ma gueule, depuis nos premiers pas, c'est vrai qu'on a grandi. C'est vrai qu'on a vécu tant de choses en commun. À tous ces bons moments, je tenais à rendre hommage. Un cadeau, j'ai bien cherché, mais blanche était la liste. Impossible de trouver car tu n'es pas matérialiste. Je me suis dit qu'une piste sûrement te ferait plaisir. Alors j'ai pris mon pic et commencé à écrire. On est chanceux sans plaisanter, je m'en rends compte quand je rédige. Rassons ceux pouvant se vanter d'avoir des potes depuis 20 piges. Nostalgique, je le suis quand tu séchais le karaté. Quand on pique et la gova et qu'on ne pense qu'à rapper. Balistique, je le suis et ce soir j'ai bien gratté. J'espère te faire plaisir que mon cadeau n'a pas raté. J'en entends déjà parler, faire preuve de jalousie. Mais le 30 avril Tamar t'auras ton 16 de l'Australie. Pige poteau, 2008, 3-5 balistique.